Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 8. De la grâce du Christ considéré comme chef de l'Église. Le Christ est le chef de l'Église, quant aux âmes et même quant au corps. Il est le chef des hommes et des anges, identité de sa grâce personnelle et de sa grâce justifiante. Sous quel rapport il est le seul chef de l'Église? Comment le diable et l'antéchrist sont appelés chefs des méchants? 1. Le Christ est-il le chef de l'Église? Dieu, dit saint Paul, l'a établi chef sur toute l'Église. Éphésiens 1, 22. De même que l'on donne à l'Église, prise dans son ensemble, le nom de corps mystique, à cause d'une certaine ressemblance qu'elle a avec le corps naturel de l'homme, qui accomplit des opérations diverses par ses divers membres. De même on appelle le Christ chef du corps de l'Église, à raison d'une certaine analogie avec la tête de l'homme, où l'on distingue trois choses, la primauté, la perfection et la puissance active. Il est la tête ou le chef du corps de l'Église, premièrement, parce que la grâce qu'il possède assure toutes les autres grâces, qui en découlent, l'antériorité et la supériorité, en sorte qu'il est lui-même le premier-né entre beaucoup de frères. En second lieu, à cause de sa perfection relativement à la plénitude de toutes les grâces, comme le marque saint Jean 1, 14, dans cette parole, nous l'avons vu plein de grâce et de vérité, enfin, parce qu'il a la puissance de faire descendre la grâce dans tous les membres de l'Église, comme on le voit par ses autres paroles du même évangéliste. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Note. On compare quelquefois le Christ à la tête et le Saint-Esprit au cœur, pour marquer que le Saint-Esprit vivifie invisiblement l'Église par son influence occulte, et que le Christ est, comme homme, au-dessus des autres hommes par sa nature visible. Fin de la note. 2. Le Christ est-il le chef des hommes quant au corps, ou seulement quant aux âmes? Il est écrit, il transformera notre corps abject et humilié en lui donnant la figure de son corps glorieux. Philippiens 3:21. Le corps humain a un rapport naturel avec l'âme raisonnable, qui est sa forme et son moteur, il en reçoit la vie et lui sert d'instrument. S'il en est ainsi, l'humanité tout entière du Christ a dû avoir action sur l'âme et sur le corps des hommes, principalement sur l'âme, et secondairement sur le corps. Ce n'était pas sur un autre fondement que l'apôtre exhortait les chrétiens de son temps à faire servir les membres de leur corps d'instrument à la justice que le Christ avait mise dans leur âme. Romains 6. Aussi, dans l'autre vie, on verra la gloire de l'âme rejaillir sur le corps, conformément à cette parole, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, à cause de son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. 3. Le Christ est-il le chef de tous les hommes? Saint Paul écrivait à Timothée, il est le sauveur de tous les hommes et principalement des fidèles. Timothée 4, 10. Le Christ est le chef de tous les hommes, mais à différents degrés. Il est le chef, premièrement et principalement, de ceux qui lui sont unis actuellement par la gloire du ciel, deuxièmement, de ceux qui lui sont unis actuellement ici-bas par la charité, troisièmement, de ceux qui lui sont unis actuellement par la foi, quatrièmement, de ceux qui doivent lui être unis en vertu de la prédestination divine, cinquièmement, de ceux qui, comme les hommes vivant ce monde sans être prédestinés, lui sont unis en puissance et ne lui seront jamais unis en acte. Ces derniers, En quittant la vie, cesse totalement d'être ses membres, parce qu'ils ne peuvent plus lui être unis. Note. Les infidèles, qui ne sont pas actuellement de l'Église, en sont cependant en puissance, puissance qui repose sur un double fondement, premièrement et principalement, sur la vertu du Christ, assez grande pour sauver tous les hommes, en second lieu, sur leur libre arbitre. Le péché véniel n'empêche point d'être membre du Christ. Quand l'apôtre parlait de l'Église qui n'a ni tache ni ride, il désignait l'Église glorieuse de la patrie céleste, et non celle de la terre, puisque, d'après saint Jean, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. 1 Jean 1, 8. Les hommes coupables de péché mortel restent membres de Jésus-Christ en puissance, leur foi, toute morte qu'elle est, les unit encore imparfaitement à son corps, mais ils n'en reçoivent plus qu'un, certain, acte vital, celui de la foi, au moyen duquel ils peuvent revenir à la grâce. Les fidèles de l'Ancien Testament doivent aussi être comptés au nombre des membres de l'Église. Les cérémonies légales étaient pour eux des ombres et des figures qui, accomplies avec foi et avec amour, les unissaient à Jésus-Christ. Fin de la note. 4. Le Christ est-il le chef des anges? L'apôtre dit, il est le chef de toute principauté et de toute puissance. Colossiens 2, 10. Dieu le Père l'a placé à sa droite dans le ciel, au-dessus de toutes les puissances, de toutes les principautés, de toutes les vertus, de toutes les dominations, et il a mis toutes choses sous ses pieds. Éphésiens 1, 20. En effet, le corps mystique de l'Église, dont il est le chef, se compose non seulement des hommes, mais encore des anges, qui, comme nous, ont pour fin la jouissance de la gloire divine. Aussi lisons-nous dans l'Évangile, les anges s'approchèrent de Jésus, et ils le servaient. Matthieu 4, 11. 5. La grâce que le Christ possède comme chef de l'Église est-elle autre que sa grâce personnelle? Elle n'est pas autre, si on la considérait dans son essence, bien qu'elle en diffère rationnellement. En effet, ce qui distingue un chef, c'est l'excellence de la grâce personnelle qu'il a reçue, et qu'il communique par dérivation aux autres hommes. Il en est ainsi du Christ, la grâce qui a justifié son âme n'est pas autre que la grâce habituelle qu'il possède comme chef de l'Église, et par laquelle il justifie les hommes. Il n'y a entre elles qu'une distinction de raison. 6. Le Christ seul est-il le chef de l'Église? L'apôtre écrivait aux Colossiens 2, 19, le chef de l'Église est celui dont tout le corps reçoit l'influence par des vaisseaux qui en joignent et en lient toutes les parties. Le chef ou la tête exerce sur les membres du corps une double influence, l'une intérieure, l'autre extérieure. L'influence intérieure de la grâce procède uniquement du Christ, qui, par son humanité unie à sa divinité, nous justifie. Sous ce rapport, il est le seul chef de l'Église. L'influence exercée à l'extérieur dans le gouvernement de l'Église convient en même temps à d'autres hommes, que l'on appelle aussi chefs de l'Église. Entre eux et le Christ il y a toutefois une différence, le Christ est le chef de tous les membres de l'Église en tout lieu, en tout temps et dans toute condition, les autres hommes ne sont chefs que dans des lieux particuliers, comme les évêques dans leur diocèse, ou pendant un temps limité, comme le pape, pour la durée de son pontificat, dans l'Église entière, et ils ne le sont que dans un état déterminé, c'est-à-dire pendant le pèlerinage de cette vie. Le Christ est le chef de l'Église par sa puissance et son autorité propre, Les autres hommes ne sont chefs qu'en tant qu'ils le représentent. Ainsi le marquait clairement l'apôtre, qui disait, « Nous remplissons la fonction d'ambassadeur pour Jésus-Christ, Dieu même vous exhorte par notre bouche. » 2 Corinthiens 5, 20. 7. Le démon est-il le chef de tous les méchants? Le démon est le chef de tous les méchants, à la manière d'un prince qui exerce une autorité sur des sujets soumis. Pour parler avec Job, 41, 25, il est le roi de tous les enfants de l'orgueil. Le but qu'il se propose dans son gouvernement, c'est de détourner de Dieu la créature raisonnable. Aussi, dès le commencement, il s'est efforcé d'empêcher l'homme de suivre les préceptes divins. Il déguise son dessein sous une apparence de liberté. Dieu nous en prévient par ses reproches adressés aux Juifs. « Vous avez brisé mon joug, vous avez rompu mes liens, en disant, « Je ne servirai pas. » Jérémie 2, 20. Les hommes conduits de la sorte au péché tombent sous l'empire de Satan, et voilà pourquoi il est appelé leur chef. Note. Tous les péchés, dira quelqu'un, ne viennent pas des suggestions du démon. Le chef d'un gouvernement ne suggère pas toujours à ses sujets de lui obéir, il notifie sa volonté par un signe, et les ainsi conformes, engagés par des exhortations, les autres spontanément, à la manière des soldats qui, sans y être sollicités, suivent l'étendard de leur général. Le démon a péché dès le commencement. Ce premier péché est comme un signe placé devant les yeux de tous les hommes. Les uns le suivent, excités par quelques suggestions, les autres, de leur propre mouvement, tous avec imitation. Selon cette parole, la mort est entrée dans le monde par l'envie du diable, ses partisans l'imitent. Sagesse 2, 24. Fin de la note. 8. L'Antéchrist est-il aussi le chef des méchants? On donne parfois le nom de chef à l'Antéchrist à raison de l'étendue de sa perversité, parce qu'en lui la méchanceté du malin esprit, exprimée de la façon dont la plus complète, montera à son comble, et par là même les méchants de tous les siècles auront été en quelque sorte sa figure, ce que l'apôtre exprime très bien en disant, le mystère d'iniquité s'opère dès maintenant. 2 Thessaloniciens 2, 7. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.